Yi, Arafat. Ya, ya, kouta. Comme ça, tu fais. Ya, ya, Dahia, Halahia. Via Pitbull, j'en place une pour ma mama. FIA, sort de mon terrier. Toi, ma force, tout comme un guerrier. Corps sur le niveau 6 ans. Musique, combat, il y a. Échec de maths, l'audit mat, éclate, Arafat. Échec de maths, l'audit mat, éclate, Arafat. Pour la cligaille, je te flingue. Bang, bang, voici mon style. Ego, ça, je continue comme ça, car je suis vénère. C'est mon nom, représente et ne blague pas. Yeah, Ego Size, c'est mon nom, représente et ne blague pas. Lorsque le soir les sages s'endorment, lorsque le soir les sages s'endorment dans la ville, clic la bête. Arafat de retour, c'est fonction vital. Comme au kickbox, je pose des hématomes sur chaque boss. De la clique à faire dans mon putain de casque cosse. T'as pas connu Ego Size, t'étais qu'un gosse. Place à Arafat, IMS c'est comme un coup de cross. Ouais, ça va de la cave, Zilizo pour le Zinclar. Sur les chiens chats ou les anciens, Tarala si mon tympan, Arafat revient. Pour te défoncer les tympans, commence à t'arracher les cheveux frangins ou t'acheter des implants.